franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Les Américains qui vont voter dans quelques semaines sauront-ils se souvenir que le candidat démocrate à la présidence est l'homme qui les a débarrassés de Ben Laden en mai 2011 ? Lui en seront-ils gré ou au contraire ? Désapprouvons-ils la méthode, une exécution en bonne et due forme ? Car, bien sûr, il n'a jamais été question de capturer vivant le chef d'Al-Qaïda. Mais dans ce cas, il devrait aussi s'interroger à propos de l'utilisation systématique des drones en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen et même en Somalie pour liquider les chefs terroristes. Des liquidations téléguidées, très efficaces, mais qui n'épargnent pas toujours les innocents qui ont le malheur de se trouver aux côtés de ces cibles. Ainsi va le paradoxe de Barack Obama, président et prix Nobel de la paix, dont l'image est à l'opposé de ce va-t-en-guerre de George Bush, mais qui a donné à ses militaires des dizaines de permis de tuer. Monsieur X, qui m'a livré ces quelques réflexions, a choisi cette semaine de revenir sur la mort de Ben Laden, un événement qui demeure toujours auréolé de mystère et suscite encore de nombreuses controverses au Pakistan. Osama Ben Laden, Osama Ben Laden, yeah, yeah, yeah. Osama Ben Laden, Osama Ben Laden, yeah. Osama, Osama, Jano. Osama, Osama, Jassio. Osama, Osama, Oja, Oja. Osama, Osama. In the FBI headquarters, the most wanted man I have never seen before, but I'm ever, ever ready. Osama, Osama, Jano. Osama, Osama, Jassio. Osama, Osama, Oja, Oja. Osama, Osama. Bomb blast in America. Ooh. Gunshot in Afghanistan. Oh-oh. Bomb blast in America. Shot in Afghanistan. Osama, Osama, Ben Laden, yeah. Osama, Osama, Osama Ben Laden, yeah, yeah, yeah. Osama, Osama, Ben Laden, yeah. Osama, Osama. Un fait d'abord. Le médecin pakistanais qui a aidé la CIA dans ses recherches pour localiser Ben Laden a été récemment condamné à 33 ans de prison. Et auparavant, peu de temps après la mort du chef d'Al-Qaïda, 5 citoyens accusés d'avoir collaboré avec les Américains dans cette affaire ont été arrêtés par les services secrets. Ça, c'est une façon assez claire de désapprouver l'action des États-Unis. Ah oui, les autorités pakistanaises se sont senties humiliées. Si Washington a agi sans informer le gouvernement pakistanais, il est vrai qu'il s'agissait d'une grave ingérence. Bon, je doute pourtant que personne n'ait été au courant au Pakistan. Il me semble en tout cas que dans un premier temps, les dirigeants pakistanais ont même déclaré qu'ils avaient pris leur part dans l'élimination de Ben Laden. Oui, ça c'est ce qu'a déclaré le président Zardari. Mais c'était sans doute pour masquer son embarras ou sa colère. Et si les arrestations et la lourde condamnation de ce médecin viennent démentir cette première déclaration. Toutefois, la vraie raison de la fureur des Pakistanais demeure le fait que Ben Laden a pu vivre des années en toute tranquillité dans leur pays. Ouais, alors qu'il était l'homme le plus recherché au monde. Conclusion logique, le chef terroriste a bénéficié de complicité au plus haut niveau. Des accusations que ne supporte pas Islamabad. Il semble pourtant évident. On va voir ça dans un instant. Auparavant, il faut observer que les relations du Pakistan avec les États-Unis sont de plus en plus difficiles. Ouais, il y a aussi les exécutions ciblées opérées à partir de drones et qui provoquent pas mal de dégâts collatéraux, comme on dit pudiquement. Oui. Et le résultat, c'est que le Pakistan n'a plus autorisé, durant pas mal de temps, les convois de l'OTAN à traverser son territoire pour aller ravitailler ses troupes stationnées en Afghanistan. La fureur pakistanaise n'est donc pas retombée. Et le sujet suscite encore une grande gêne dans les milieux dirigeants. Ainsi, on peut noter que les autorités pakistanaises, qui avaient créé assez solennellement une commission nationale d'enquête sur la mort de Ben Laden et l'opération américaine, n'ont toujours pas rendu publiques ses conclusions. Parce que celle-ci pourrait être embarrassante. On peut l'imaginer. Enfin, revenons directement à notre sujet. La traque et la mort de Ben Laden, presque 10 ans après les attentats du 11 septembre. Avant son exécution dans sa villa d'Abu Tabad, il y a eu, si j'ose dire, de nombreuses occasions ratées. Et ça commence assez tôt. En 1996, par exemple, Ben Laden, en rupture de ban avec les Saoudiens, se trouve au Soudan. Ouais, mais ce n'est pas encore l'ennemi public numéro un. C'est vrai. Mais déjà, on le soupçonne d'être l'un des chefs du terrorisme islamique. Les dirigeants du Soudan proposent alors aux Américains de leur livrer Ben Laden. Ah, et comme ils ont déjà fait avec les Français et Carlos un an plus tôt. Il semble bien que les Américains n'ont pas donné suite. Ils n'ont peut-être pas pris conscience de la dangerosité du personnage. C'est possible. Toutefois, ça ne va pas durer. En 1998, Al-Qaïda frappe à 2 reprises des ambassades états-uniennes dans l'Est africain. Ben Laden se trouve alors déjà en Afghanistan. Sous la protection des talibans, oui. Le président Clinton ordonne des mesures de représailles. Des camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan sont lourdement bombardés. Mais Ben Laden et ses hommes, sans doute informés par l'ISI, les services secrets pakistanais, ont préalablement fui. Et puis il y aura, après l'intervention de l'OTAN en Afghanistan et la chute du régime des talibans, l'échec de Tora Bora. Je vous le rappelle brièvement, puisque c'est une affaire dont nous nous sommes déjà longuement entretenus. En novembre 2001, Ben Laden et les siens fuient devant l'avance des troupes alliées. Ils trouvent refuge dans la citadelle montagneuse de Tora Bora, au sud du pays. Et pas très loin de la frontière pakistanaise. Le site est sévèrement bombardé. Mais les Américains commettent 2 erreurs. D'une part, ils n'encerclent pas Tora Bora. Et d'autre part, ils accordent une confiance exagérée à quelques alliés afghans qui participent à la traque. Oui, mais qui aideront Ben Laden à sortir de ce guépier. Et à gagner rapidement la frontière pakistanaise, oui. Toutefois, je vous l'avais dit, il n'existait pas chez les dirigeants états-uniens une réelle volonté de s'emparer Ben Laden. À la Maison-Blanche et au Pentagone, on pensait déjà à l'Irak. Oui, pour Bush, la priorité, c'était d'abattre Saddam Hussein. Et Ben Laden en a profité. Et ensuite, c'est le brouillard. Oui, on pense, et c'est assez logique, que le terroriste a trouvé refuge dans les fameuses zones tribales, des territoires qui échappent à tout contrôle de l'administration pakistanaise. Mais en fait, et on ne l'apprendra qu'après sa mort, grâce au témoignage d'Amal, sa 5e et dernière épouse, Ben Laden ne s'est jamais rendu dans ces zones tribales. Il a d'abord vécu à Peshawar, au nord-ouest du Pakistan. Puis il s'est installé dans la vallée de la Swat, la petite Suisse du pays, avant de rejoindre une ville du nord, puis Abbottabad, en 2006. Ouais, où il va occuper cette fameuse villa, là où il sera abattu en 2011. Hein. Une maison construite en 2005. Mais un mot d'abord sur la ville d'Abbottabad. C'est une agglomération du nord, plutôt huppée, située à 1250 mètres d'altitude, au pied d'une montagne. Ouais, d'où un climat plutôt agréable. À l'époque de la colonisation, c'était d'ailleurs un lieu de villégiature. Et son nom, là, Abbottabad? C'est aussi un reliquat de la colonisation. C'est un officier-major de l'armée des Indes, James Abbott, qui a fondé la ville au XIXe siècle. Mais la particularité d'Abbottabad, c'est qu'après la création du Pakistan en 1947, elle est devenue la capitale nationale des écoles de formation de l'armée. On y forme donc les officiers, mais aussi l'élite des gendarmes, des gardes frontières et des médecins militaires. Ah, c'est un îlot d'ordre par conséquent. Et où les islamistes et autres talibans ne sont jamais intervenus, à la différence de nombre de localités du nord-ouest pakistanais. À ce statut de ville garnison s'ajoute un riche héritage d'écoles civiles, au point qu'une blague circule en ville. Si les talibans épargnent Abbottabad, c'est peut-être parce que leurs enfants y sont scolarisés. Oui, bon. Donc si je comprends bien, Ben Laden se réfugie dans une ville où les militaires sont omniprésents. Ah oui, c'est très malin. Qui pourrait le chercher là? Ouais. Et la maison elle-même est assez particulière. Hein. Oui, située dans un quartier habité par la classe moyenne. Elle est implantée sur un domaine de 3500 m². Elle est entourée de hauts murs hérissés de barbelés qui interdisent toute vue sur l'intérieur et la villa elle-même. Enfin, ses occupants semblent vivre repliés sur eux-mêmes, sans grand contact avec l'extérieur, puisque, par exemple, ils ne livrent jamais leurs déchets au service municipal des ordures. Un bémol toutefois, à propos de la discrétion de Ben Laden. Amal, sa dernière épouse, a accouché 4 fois au cours de sa vie de recluse, dont 2 fois dans une maternité publique. Ouais, mais sous un faux nom. Évidemment. Ouais. Est-ce que cette maison intrigue les voisins? Certainement, mais sans plus. En tout cas, aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer qu'elle hébergeait Ben Laden. Alors comment les Américains sont-ils parvenus à loger Ben Laden, comme disent les policiers? C'est une longue histoire. Et assez paradoxalement, le chef d'Al-Qaïda va être victime de sa trop grande prudence. C'est-à-dire? Ben Laden sait que les grandes oreilles de la NSA permettent aux Américains d'espionner toutes les communications électroniques ou téléphoniques dans le monde entier. En conséquence, il n'utilise jamais ses moyens modernes pour transmettre ses directives aux membres de son organisation. D'ailleurs, la villa d'Abbottabad ne dispose pas de connexion Internet. Comment procède-t-il alors? Il utilise des courriers humains. Ce n'est pas très pratique, mais c'est plus sûr. Cependant, les spécialistes américains qui ne détectent aucune trace de Ben Laden sur la toile aboutissent au même raisonnement. Le terroriste doit utiliser des agents de liaison. Ouais. Et en repérer un permettrait donc de remonter jusqu'à lui. C'est ce qu'on pense à la CIA pour laquelle cette traque devient un objectif prioritaire. Mais dans la nébuleuse islamiste, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Ça sera un long, très long parcours. Quel bel automne au Patagon. On cherche Ben Laden, mais il se cache où? Il se flotte la bedaine, mais il se cache où? Tous ses amis le couvrent, mais il se cache où? Il faudrait qu'on le trouve, mais il se cache où? On fouille tous les pays, mais il se cache où? Dans le bout de l'Arabie, mais il se cache où? Il est dans les montagnes, mais il se cache où? Ou bien dans la campagne, mais il se cache où? Le ramasser, je ne peux pas. J'en ai assez, je n'en peux plus. Où ce qui est caché? On a des guns, mais y'a personne. Ben Laden, l'hôte du régime des talibans. Ben Laden est le Saint-Denis. Ben Laden est dans le sud de l'Afghanistan, dans la province de Rosyan. Il a une grosse barbe, mais il se cache où? Nous fait manger de la marde, mais il se cache où? C'est un individu louche, mais il se cache où? Comme le président Bush, mais il se cache où? Avec nos satellites, mais il se cache où? On peut trouver un dessin, mais il se cache où? Mais on va faire faillite, mais il se cache où? Si on trouve pas Ben Laden, mais il se cache où? Où c'est qu'il est, je ne sais pas. Je suis écœuré, je ne sais pas. sait plus. Binot Army, elle s'est perdue. C'est lui qui run, c'est Oben Fun. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants, des voitures et un bâtiment de l'ancienne ambassade américaine incendié. Donc la liberté, la solidarité, la fraternité. Les agents français ont-ils raté une occasion de mettre la main sur Ben Laden? On trouve dans le livre de Jean-Christophe Notin, La guerre de l'ombre des Français en Afghanistan, la relation d'un curieux épisode. L'auteur raconte comment, au lendemain du 11 septembre et juste avant le début des frappes en Afghanistan, Sévérien, le chef de poste de la DGSE, au Pakistan, la DGSE, nos services secrets, a été contacté par un responsable taliban. Est-il vrai que la France n'extrade pas les personnes encourant la peine de mort dans les pays qui les recherchent? Est-ce que dans ce cas, la France peut s'engager à ne pas livrer Ben Laden? Notin poursuit. Sévérien transmet à la centrale qui se contente de lui demander d'attendre. Mais l'affaire n'aura pas de suite. Conclusion de l'auteur. Les talibans afghans ont-ils alors cherché à se débarrasser de leur hôte, devenu très encombrant, afin d'éviter l'attaque américaine? C'est ce que pourrait laisser entendre cet épisode. Le premier indice est fourni en 2002 par un détenu emprisonné dans l'une de ces prisons secrètes de la CIA, installée illégalement à travers le monde. Cet individu, arrêté en Afghanistan et interrogé sans ménagement, comme vous pouvez l'imaginer, lâche un nom, Abu Ahmed al-Kowaiti. Mais l'homme serait aussi connu sous d'autres pseudonymes, Sheikh Abu Ahmed, Ar-Esad Khan, ou Mohamed Assad. Et qui serait ce personnage là? Âgé d'une trentaine d'années, ce serait un proche collaborateur de Ben Laden. Mais c'est la première fois que les agents de la CIA entendent parler de lui et ils ne trouvent sa trace dans aucun fichier au registre d'état civil. Ce tuyau-là ne sert pas à grand-chose. Provisoirement, en tout cas. L'année suivante, au mois de mars, les Américains mettent la main sur un gros poisson. En fait, il a été arrêté au Pakistan par les services secrets. Mais il a aussitôt été livré à la CIA. Khaled Sheikh Mohamed est considéré comme l'organisateur et le cerveau du 11 septembre. Ce numéro 3 d'Al-Qaïda serait aussi l'assassin du journaliste Daniel Pearl. Il est aussi envoyé dans une prison secrète, sans doute en Pologne, puis il est transféré à Guantanamo. Et là, il est interrogé. Et torturé à maintes reprises. Et on lui demande s'il connaît ce Al-Kouaiti, là. Bien entendu. Et la réponse est positive. Oui, il le connaît. Mais ce type n'a aucune relation avec Ben Laden. Toutefois, après un énième interrogatoire poussé, Khaled Sheikh Mohamed finira par évoquer l'existence d'un messager en qui le chef d'Al-Qaïda a toute confiance. Ouais, mais le lien avec Al-Kouaiti là, n'est pas établi pour autant. C'est ça. Cependant, quelques mois plus tard, en juin 2004, un certain Hassam Gui, membre d'Al-Qaïda, est arrêté par la police du Kurdistan dans le nord de l'Irak, à la frontière avec l'Iran. Cet homme a en sa possession des documents sur le terrorisme contenus dans une clé USB et deux CD-ROM. Au cours de son interrogatoire par des agents de la CIA, il parle, lui aussi, de ce mystérieux Al-Kouaiti, qui servirait de facteur au sein de l'organisation et transporterait des courriers secrets entre les grands chefs. Ah, ça, c'est une confirmation. Autre information qui va avoir son importance. Ce courrier serait un proche d'Abu Faraj al-Libi, devenu numéro 3 d'Al-Qaïda après l'arrestation de Sheikh Mohamed. Or, justement, ce personnage est à son tour arrêté en mai 2005 dans le nord du Pakistan. Interrogé s'il confirme l'existence d'un système de courriers humains au sein d'Al-Qaïda, il nie farouchement connaître Al-Kouaiti. Il tente même d'embrouiller les enquêteurs de la CIA en livrant un autre nom, celui de l'homme qui serait le vrai messager de Ben Laden. Oui, mais ça n'abuse pas les gens de la CIA. Non, car ils ont l'impression que les dénégations d'Al-Libi sont trop véhémentes pour être vraiment sincères. Et cette attitude les renforce dans leur idée que ce Al-Koweïti est un pion important. Le courrier est désormais un objectif stratégique des Américains. C'est le fil conducteur qui doit leur permettre de remonter jusqu'à la planque de Ben Laden. Parenthèse, Al-Libi parviendra un peu plus tard à s'échapper de la prison états-unienne de Bagram. En Afghanistan. Oui, mais il sera liquidé au Pakistan par un drone au mois de juin dernier. Alors je reprends. En multipliant les interrogatoires et en faisant tourner leurs ordinateurs surpuissants, les experts de la CIA parviennent à en apprendre un peu plus sur le mystérieux Al-Koweïti. Pakistanais, il serait né au Koweït où ses parents avaient émigré et où il a grandi. Puis ce jeune Pashtoun rejoint le djihad en Afghanistan à la fin des années 90. Doué en informatique, il est affecté à la cellule média d'Al-Qaïda, tout juste créée par le saoudien Hamza al-Ghamdi. Ce n'est donc pas un combattant. Non, c'est plutôt un intellectuel. Il aurait même formé à la pratique d'Internet l'un des terroristes du 11 septembre dans un cybercafé de Karachi. Protégé d'un autre Koweïtien, ce Khaled Sheikh Mohamed dont je vous ai parlé, il semble bien que ce jeune homme ait fait partie du très petit cercle de djihadistes demeurés autour de Ben Laden après l'épisode de Tora Bora en décembre 2001. Autre détail, Al-Koweïti parle le Pashtoun et l'arabe. Et presque naturellement, il aurait été chargé d'organiser au Pakistan les déplacements et les hébergements du noyau dirigeant d'Al-Qaïda. Ce n'est donc pas un chef, mais plutôt une sorte d'intendant. Oui, chargé de la logistique. Les Américains continuent donc à le chercher avec opiniâtreté. Mais selon des témoignages recueillis auprès de prisonniers de Guantanamo, Al-Koweïti serait mort. Eh bien, pour autant, la CIA renonce-t-elle? Non, parce qu'il y a doute. Ah oui, n'essaie-t-on pas justement de lui faire abandonner les recherches, quoi. C'est ce que se disent les agents américains. Et ils ont raison, car la NSA réussit à capter une conversation téléphonique d'Al-Koweïti avec des membres de sa famille. Mais cette fois, la piste est chaude. Certes, mais pendant 4 longues années, jusqu'en 2010, Al-Koweïti semble s'être évanoui dans la nature. Et que se passe-t-il cette année-là, en 2010, Al-Koweïti réapparaît? La NSA procède à une nouvelle interception téléphonique, celle d'une conversation entre Al-Koweïti et sans doute un cadre de la branche irakienne d'Al-Qaïda. À la même époque, en juillet 2010, des agents pakistanais au service de la CIA croient avoir repéré Al-Koweïti au volant d'une voiture japonaise blanche près de Peshawar. Une filature est mise en place, alors? Bah, bien sûr, et ça mène les pisteurs jusqu'à cette ville d'Abbottabad. Et jusqu'à cette mystérieuse villa, la Sainte de Haumur. Où Al-Koweïti semble vivre en famille avec son épouse, son frère et sa belle-sœur, et de très nombreux enfants. Mais c'est le début, enfin, ce que j'imagine, d'une minutieuse surveillance. Oui, car jusque-là, rien n'indique que Ben Laden pourrait s'y cacher. Al-Koweïti paraît vivre paisiblement. Pour le voisinage, c'est un agent de change qui ne sort que pour ses affaires ou pour aller faire quelques courses. En tout cas, lui et sa famille ne semblent pas être dans le besoin. Et cette surveillance de la villa? Les Américains utilisent les moyens les plus sophistiqués, photos satellites et images télécommandées transmises par des drones. En même temps, ils opèrent des recherches dans les archives de la ville pour en savoir plus sur la construction de la maison. Cependant, il aurait été impossible de déterminer si Ben Laden se trouve là, même s'ils sont à peu près certains qu'un troisième homme vit dans la villa. Alors de guerre lasse, la CIA va se lancer dans une extravagante entreprise. Et c'est là où nous allons rencontrer ce médecin qui a été lourdement condamné par la justice de son pays. Racontez, là. Le problème des Américains, c'est donc ce troisième homme dont il subodore la présence. Alors, comment savoir si c'est Ben Laden? Et surtout, comment recueillir un échantillon de son ADN, seul moyen infaillible d'identification? À condition de posséder un élément de comparaison. Ah oui, bien sûr, mais justement, les Américains sont en mesure de le faire. Ils sont en possession de l'ADN de l'une des sœurs de Ben Laden, décédée d'un cancer à Boston en 2010. Eh bien, un petit malin de la CIA a l'idée suivante: l'organisation de toutes pièces d'une vaste campagne de vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Et c'est là où intervient le médecin. À charge pour lui de convaincre quelques fonctionnaires locaux de la nécessité pour la santé publique de procéder à cette campagne. À coup de pot de vin, c'est ça, non? Et ça a marché? Les vaccinations ont d'abord commencé dans les quartiers voisins pour ne pas attirer l'attention des occupants de la villa. Mais finalement, lorsqu'une infirmière s'est présentée pour vacciner les enfants de la maison surveillée, elle a été refoulée. Alors que s'est-il passé? On ne sait pas, mais pour la CIA, il y a eu des fuites. Le médecin, lui, savait-il quel était le véritable objectif de cette campagne de vaccination ? Il a toujours prétendu le contraire, ce qui ne l'a donc pas empêché d'être condamné, malgré les protestations ultérieures des autorités états-uniennes. En tout cas, cet incident a renforcé la conviction de la CIA. Hein. Cette vie-là cachait quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Et c'est à partir de ce moment que la Maison-Blanche aurait sérieusement envisagé de procéder à une opération militaire. Pourquoi cet emploi du conditionnel là ? Parce que je vous donne là la version officielle des États-Unis. Ah oui, il pourrait y en avoir d'autres. Si vous le voulez bien, on verra ça un peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, trois options vont être examinées au plus haut niveau. Mais auparavant, la CIA a demandé une rallonge au Congrès car cette surveillance sophistiquée coûtait vraiment très cher. Alors, ces trois options ? La première est radicale. Il s'agit d'opérer une frappe aérienne de précision sur la maison. En tout le monde, donc. Oui, mais ce n'est pas ça qui a conduit à refuser cette solution. Les experts mettent en avant le fait que cette frappe aérienne rendra très difficile la recherche du cadavre de Ben Laden dans la mare de gravats. Par conséquent, on ne saura jamais si le terroriste a vraiment trouvé la mort. Ni même s'il se trouvait vraiment dans la villa. Deuxième option. Une action conjointe avec les Pakistanais. Mais Obama en personne exclut toute coopération avec les militaires pakistanais. Pourquoi ? Un conseiller de la Maison-Blanche l'expliquera plus tard. Les Pakistanais n'auraient pas gardé ce secret plus d'une nanoseconde. Ouais. Et Ben Laden, prévenu, se serait enfui. Ça prouve en tout cas le peu de confiance que les Américains accordaient aux services secrets d'Islamabad. Il faudra donc s'en tenir à la troisième option. Un raid héliporté à partir d'une base états-unienne située en Afghanistan. Mais l'opération est très risquée. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Le journaliste Jean-Dominique Merchet, éminent spécialiste des questions militaires, a récemment consacré un ouvrage à la mort de Ben Laden. Il donne des précisions sur le travail des Américains. Les agents de la CIA débarquent à Abbottabad, où une petite équipe s'installe même à demeure dans une maison louée ou achetée pour l'occasion. Les allées et venues du 4x4 Toyota blanc d'Al Kougeti sont surveillées et des informateurs sont discrètement recrutés sur place. Les espions américains ont de la chance. Abbottabad est une ville ouverte, dynamique, où viennent régulièrement s'installer de nouveaux venus. La présence de l'académie militaire contribue d'ailleurs à ce brassage. Personne ne s'étonne de voir de nouvelles têtes dans les rues ou une maison changer de locataire. Rien à voir avec les zones tribales où l'arrivée d'un étranger, même du village d'à côté, est immédiatement connue de tous. C'est un peu la différence entre un village corse et Chamonix. Ben Laden ne s'est d'ailleurs pas trompé. Il s'est installé là où l'on passe inaperçu, même si pour cela, il faut s'éloigner de ses amis. Le livre de Merchet, La mort de Ben Laden, est publié par Jacob Duvernay. L'option retenue, celle du raid héliporté, n'a pourtant pas fait l'unanimité parmi les décideurs états-uniens. Le secrétaire de la Défense, Robert Gates, aurait préféré la solution plus expéditive du raid aérien. Et pourquoi ces réserves alors ? Parce que les militaires américains restaient marqués par le fiasco d'une autre opération héliportée. Ouais, je vois de quoi vous voulez parler. La récupération ratée des otages de l'ambassade américaine de Téhéran. Oui, à cause de pannes matérielles. Un échec qui a coûté à Jimmy Carter sa réélection. En tout cas, Barack Obama a tranché. Ce sera le raid héliporté. L'opération Geronimo, comme l'ont appelé maladroitement les militaires américains. Ouais, les Indiens états-uniens ont peu apprécié de voir le nom de ce chef légendaire associé à celui d'un terroriste comme Ben Laden. Hein. Et on peut le comprendre. Mmh. Enfin, passons. Je reviens quand même sur l'utilisation des hélicoptères dans ce genre d'action. Elle est toujours risquée. Et même si l'opération Geronimo a été réussie du point de vue américain, elle a quand même failli tourner à la catastrophe dès le début. Cependant, voyons d'abord comment le raid a été conçu. Sa réalisation est confiée à un commando de soldats d'élite, les Navy SEALs, 23 au total, répartis dans deux hélicoptères Black Hawk, munis des derniers perfectionnements technologiques. Et quelle est la base de départ ? Jalalabad, au sud de l'Afghanistan. Ces 23 hommes sont accompagnés par un interprète américain d'origine pakistanaise et un chien, un berger malinois. Oui, pour procéder à des recherches éventuelles dans la maison. Oui, il est aussi prévu une assistance effectuée par 4 autres gros hélicoptères qui décolleront 45 minutes après les appareils du commando. 2 d'entre eux se poseront juste avant la frontière afghano-pakistanaise. Les 2 autres atterriront à l'intérieur du Pakistan, au fond d'une vallée déserte. Ouais. Prêt à décoller s'il y a un pépin. C'est ça. Mmh. Les Américains vont donc conduire une action de guerre au cœur d'un pays qui est traditionnellement présenté comme un allié, même si, comme vous l'avez laissé entendre, la méfiance est de rigueur entre les deux capitales. Et vous avez raison de soulever ce point délicat qui demeure encore très discuté. C'est-à-dire Selon certains, les Américains ont purement et simplement décidé d'agir comme bon leur semblait. Ouais, sans se soucier du caractère illégal de leur action. Et parce qu'ils étaient sûrs de passer inaperçus. Ouais, quoi, en échappant au radar. Oui, parce qu'ils savaient que la surveillance aérienne pakistanaise s'exerçait principalement le long de la frontière indienne. Ouais, l'Inde, l'ennemi héréditaire. Mais les Américains avaient aussi la possibilité de brouiller les radars pakistanais. Pour une bonne raison, ce sont eux qui les avaient vendus au Pakistan. Toutefois, selon d'autres sources, Washington a prévenu Islamabad avant d'agir. Mais au tout dernier moment, j'imagine, pour prévenir tout de suite. Si vous voulez mon avis, si réellement les Pakistanais ont été avertis, les hélicoptères étaient déjà en l'air et avaient peut-être même franchi la frontière. En tout cas, à 1h du matin, dans la nuit du 1er au 2 mai, les 2 appareils arrivent en vue de la villa. Alors cette catastrophe l'a évité de justesse ? Le premier, Black Hawk, doit rester en position stationnaire au-dessus du toit de l'habitation principale. Et les membres du commando doivent descendre le long d'un filin. L'opération a été répétée aux États-Unis sur une maquette, reproduisant très exactement l'architecture des lieux. Mais le pilote éprouve les plus grandes difficultés à demeurer en position stationnaire, sans doute à cause des remous d'air que provoquent les pales contre les hauts murs de la propriété. Mais alors, que faire alors ? Le pilote essaie en vain de contrôler sa machine, mais finalement, il doit se poser en catastrophe dans une cour qui abrite des poules et d'autres animaux domestiques en liberté, non sans causer des dégâts irréparables à son appareil. Cependant, heureusement, il n'y a pas de blessés. Et les soldats se lancent à l'assaut des bâtiments et commencent par tuer 2 hommes et une femme qui en sont sortis. Sans doute Al-Kouati et son frère, et l'une de leurs épouses. Mmh. Et le deuxième Black Hawk, alors ? Alors lui, il s'est posé à l'extérieur de la villa. Et après avoir fait sauter les portes à l'explosif, les commandos rejoignent leurs camarades. Ce qui se passe ensuite est relativement confus. D'autant qu'on ne dispose bien sûr que de la version donnée par les autorités américaines. Ce qui est certain, c'est que Ben Laden, armé ou pas, est abattu de 2 balles dont l'une lui fracasse la tête. Ouais. Les soldats l'ont donc reconnu. Et ils ont obéi à l'ordre qui leur avait été donné. Il fallait l'exécuter. Une femme. Sa 5e épouse a été aussi touchée, peut-être en essayant de le protéger. Puis, ultime phase, c'est la récolte des renseignements. Des documents, des disques durs, des CD-ROM sont raflés. Puis les commandos gagnent l'appareil demeuré intact en emportant le corps de Ben Laden. Mais auparavant, ils ont détruit le Black Hawk, endommagé, afin que cet hélicoptère à la fabrication hautement confidentielle ne tombe pas dans des mains hostiles ou trop curieuses. Et combien de temps aura duré l'opération ? Au sol, exactement 38 minutes. À 3h du matin, le 2 mai, le commando est de retour à Jalalabad. A noter que le président Obama et les principaux chefs militaires ont suivi l'opération en direct grâce aux images transmises par un drone qui surveillait le site. Obama a donc pu avoir des sueurs froides lorsque l'hélicoptère s'est crashé. Ça, on peut l'imaginer. Bon, la suite est relativement connue, donc je vais vite. L'important pour les Américains, c'est d'identifier formellement Ben Laden. Oui, grâce à cet échantillon d'ADN de sa sœur. Hein. Et ça va être réalisé en un temps record. Le cadavre apporté par le commando est bien celui du terroriste. Le corps est immédiatement transféré sur un porte-avions géant, l'USS Carl Vinson, qui navigue au large des côtes du Pakistan. Mais que faire de cette dépouille encombrante, hein? Ah, c'est en effet la question. Oui, une question qui se pose d'ailleurs pour tout criminel, hein, dont le tombeau pourrait devenir un lieu de culte. Alors, après quelques tergiversations entre haut lieu et la consultation d'une éminente autorité religieuse saoudienne, il est décidé d'immerger le corps en mer après une courte cérémonie en présence d'un imam. À 11h du matin, heure locale, tout est fini. Et tout a été extrêmement vite. Hein. Et pour Obama, qui sera en campagne électorale dans quelques mois, c'est un incontestable succès. D'ailleurs, sa cote de popularité grimpe instantanément. Demeure quand même une ombre, un point embarrassant. Quoi alors ? Obama a déclaré, si on avait pu prendre Ben Laden vivant, on l'aurait fait. Bon, difficile d'y croire. Me paraît évident que dès le départ, il s'agissait de liquider Ben Laden. Alors pourquoi cette déclaration du président états-unien ? Bah, pour éviter d'être considéré comme un assassin. Et aussi pour tenir compte des réactions indignées que cette liquidation programmée a provoquées dans certains pays musulmans. Et au Pakistan même, hein ? Oui, oui, car outre le sentiment d'humiliation ressenti par les dirigeants et une partie de la population, bah, il y a le soupçon, pour nombre d'observateurs, il est inconcevable que Ben Laden ait pu si longtemps résider au Pakistan sans que sa présence ait été détectée. Cette accusation s'adresse d'abord aux services secrets. Hein. Lizzie, oui, alors il n'y a que deux explications. Ou bien ces services sont incompétents, ou ils étaient complices. Et protégeaient donc Ben Laden. Aussi pour terminer, je voudrais faire état, sans la cautionner entièrement pour autant, d'une enquête menée par un général pakistanais à la retraite. Cet ancien officier, Sokat Kadir, a affirmé en mars 2012 avoir enquêté personnellement pendant 8 mois sur la mort de Ben Laden, en utilisant les relations tissées avec ses ex-collègues et en interrogeant des chefs de tribu dans le nord du pays. Et pourquoi cette enquête-là ? Bah, pour répondre à une seule question qu'il taraudait, lui et d'autres officiers. Comment nos services secrets ont pu passer à côté de l'homme le plus recherché du monde ? Ouais. Et conclusion de son enquête ? Il y en a deux. Sa première révélation prouverait la complicité au plus haut sommet de l'armée et donc de l'ISI avec le chef d'Al-Qaïda. Je vous raconte. En juillet 2010, des agents pakistanais auraient rédigé un mémo à destination de leur hiérarchie afin de demander une surveillance satellite de la résidence d'Abbottabad par la CIA. Et ça veut dire qu'ils soupçonnaient la présence de Ben Laden dans cette propriété. Oui, oui, mais selon Kadir, cette requête n'a jamais été transmise par le haut commandement pakistanais à l'agence américaine. Et aujourd'hui, ce même haut commandement nie avoir eu connaissance de cette demande. Ah oui, c'est intéressant ça. Et la deuxième révélation alors ? Bah là, celle-là, elle révèle selon moi du roman photo. Enfin, je vous la livre néanmoins. Ben Laden aurait été victime de la jalousie d'une de ses premières épouses, Kairia, vis-à-vis de la cinquième, la jeune et belle Amal. Mais celle qui a été blessée là ? Kairia, en accord avec certains responsables d'Al-Qaïda qui désiraient se débarrasser d'un Ben Laden de plus en plus sénile, aurait laissé fuiter des informations. Mais notez bien que cette thèse abracadabrantesque arrange bien les affaires de l'ISI et de l'armée pakistanaise en ramenant l'affaire à un vulgaire règlement de compte entre djihadistes et femmes jalouses. Je vous rappelle le livre de Merchet, La mort de Ben Laden, un ouvrage qui fourmille d'informations, ainsi que de l'ouvrage de Peter Bergen, Chasse à l'homme, du 11 septembre à Abbottabad, l'incroyable traque de Ben Laden, à paraître ces jours-ci chez Robert Laffont. À samedi prochain, sur franceinter.fr, vous savez que vous pourrez communiquer avec nous, et même réécouter cette émission. Rebecca de Nantes a préparé ce programme qui a été réalisé par Michel Billou et Monsieur Joub a programmé lui-même ses musiques.